Il existe un tas de choses que chacun d'entre nous n'arrivons pas à expliquer. Malgré tout, on a souvent des paroles sur le bout de la langue. On cherche à les dire, mais ça nous nargue. Parfois on n'y arrive pas, c'est trop dur d'en parler. Il arrive certains événements qui nous laissent bouche bée. Pour ma part, j'ai souvent beaucoup d'hésitation. Je pense savoir ce que j'ai à dire, mais ce n'est qu'illusion. Dans d'autres cas, il s'agit d'une question de confiance. On ne croit pas connaître quelqu'un qui y verrait du sens. Des sujets pèsent sur nous, mais on a peur des réactions. Voilà qui provoque une mauvaise appréhension. Serait incomplet, il ne faut souvent qu'un instant pour le connaître, c'est bizarre, car une vie ne suffirait pas pour totalement faire part. Je ne trouve pas les mots pour décrire ce qu'une simple chanson peut me faire ressentir. J'aimerais utiliser les termes de joie, tristesse ou encore bonheur, bien-être, mais ce ne serait pas assez fort. Impossible pour moi de trouver les mots qui expliquent la passion, le lien qui me noue à la musique. Je lui consacre la majorité de mon temps, tout ce que je lui donne, elle me le rend. Pour finir, je n'ai pas de mots pour vous raconter à quel point je suis content que vous m'écoutiez.